peu les parrains. Notre monde parti sans faire un seul signe, sans laisser aucune consigne, emporté par tes pensées fécondes. Heureusement que la terre est ronde, que la terre est ronde. L'eau a continué de couler, les enfants de se disputer, le pauvre bec d'être persécuté, les pigeons de roucouler. Mais on ne t'a pas oublié. Oh non, ne t'a pas oublié. Et te revoilà, le rayonnant d'hier, enrichi de tes années d'absence, en ce jour comme une autre naissance, aussi fort que la moindre pierre. Connu pour ton âme vagabonde, un souffle dans de ses où parvenu. Jusqu'à toi ce soir-là est venu, t'effacer comme une invisible onde. Heureusement que la terre est ronde. Le vieillard se depuis plié, les volets usés, ajustés, un jeune chez l'autre, ajusté. Amour pour la vie se sont liés, mais on ne t'a pas oublié. Et te revoilà, pas forcément fier, avance lentement toutes tes anses, mais toujours à la même cadence, comme un fils prodige et bras ouverts. Et te revoilà, en habit de lumière, tout resplendissant.